Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez la fritouille ? Wesh, gros, à la cool. Ma nuit fut tranquille, sans doute parce que j'ai pu savourer un gros coup de pompe qui a loupé sa cible, certes, mais qui est dans toutes les bouches et surtout qui va rester gravé dans toutes les mémoires. Enfin bon, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, quel est notre patient ce matin ? Eh bien, ce dossier Epsilon numéro 16, professeur Colin, s'annonce very hot. Very hot ? Oh là, je me méfie de vous et je sens l'espièglerie, là. Vous allez me dire Alice Saprit, je suis sûr. Mais non, vous allez être surpris et, comme d'habitude, je vous le fais en trois briques. Attention, écoutez bien. Cheminée. Cheminée, chemin faisant, Jacques faisant. Oh non, il était nul. Ah non, vous êtes plantu, là, ce n'est pas ça. On poursuit, attention, deuxième brique, soulier. Soulier ? Ah bah c'est George Bush alors, je vous en parlais à l'instant avec le coup de pompe, non ? Mais non, c'est Babouche, attention, concentrez-vous ! Tino. Ah, ok doc, cheminée, soulier et Tino Rossi, nous recevons ce matin le gros barbu de Laponie. Formidable dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y, étudions le cas de cette grosse bedaine débonnaire. Maniez-vous le créneau, les gnomes, et apportez au labo le dossier du Père Noël. Allez, vieux lapin, à table. Oh, oh, oh. Merry Christmas. Ta gueule, gros con. Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui. Non mais oh, ça va pas, non ? Il est où le merveilleux esprit de Noël, là ? Ça commence bien, dis donc. Bon, alors primo, tout le monde se calme, et ensuite on accueille avec bienveillance le gros barbu en rouge, là. Et surtout, on écoute avec attention la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer immédiatement ce qui nous tourne boule dans la psychologie du Père Noël. Chers confrères, c'est à vous. Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, la pathologie la plus troublante chez le Père Noël, c'est sans aucun doute son tropisme philanthrope, car franchement, dans un monde résolument égoïste, il est carrément chelou ce mec. Offrir des cadeaux gratos à tout le monde, là, ça sent l'arnaque. Cela dit, justement, sachez que le dossier nous révèle également que le Père Noël pourrait bien être un petit escroc, puisqu'en réalité, il aurait usurpé la place, Pépère. À mes yeux, le Père Noël, c'est une invention du patriarcat. Dans les légendes anciennes, celles qui donnent, celles qui apportent des cadeaux, ce sont toujours des femmes, des créatures féminines en particulier, des fées. Et puis, il me semble qu'aux alentours du 18e et du 19e siècle, il y a une sorte de renversement qui se produit. C'est-à-dire que les hommes deviennent extraordinairement jaloux de cette prérogative accordée au féminin et qu'ils veulent, dans un certain sens, contribuer eux aussi au bonheur des enfants. Or, l'image du Père Noël va s'opposer à des figures patriarcales ou à des figures paternelles qui sont infiniment redoutables. Et à un moment donné, il faut que l'élément masculin viennent dresser au contraire le visage d'une paternité heureuse. Et c'est à mon sens ce que représente le Père Noël. L'allégorie d'une paternité heureuse. Ouais, curieux transfert phallocrate. Quoi qu'il en soit, c'est un drôle de lascar ce Père Noël et nous avons donc 53 minutes pour établir ensemble un authentique diagnostic non négociable bien sûr, afin de savoir si oui ou non les méandres psychologiques de l'homme au traîneau recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre curieuse séance, afin de te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, monte le son, mon ami, sois le bienvenu. C'est la panique. Alors amorçons ensemble l'étude de ce dossier fantastique dans 10 douanes conditions climatiques grâce à ce sacré loustique pensionnaire lui aussi du ministère psychique. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. He doesn't care if it's 10 below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee, goes the storm. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't care. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, c'est Frank Sinatra qui laisse tomber la neige à New York, et c'est la même chose à Adamo. Monsieur le Père Noël, je tiens à vous dire, je n'ai rien à voir dans tout cela. Moi, je suis uniquement une personne dépressive de passage. Je suis au bout du rouleau, je vais m'en aller. Avant tout, le ministère psychique compatit totalement avec les angoisses de Katia. Un cas complexe, comme ceux auxquels nous sommes ici confrontés toutes les semaines, mais qui nous offre ce matin une excellente introduction à notre patient du jour, un cas lourd lui aussi, puisqu'il s'agit du ramoneur récurrent de nos cheminées, à savoir le Père Noël, bien sûr. Alors, d'où vient-il, le Père Noël ? Eh bien, la Rome antique produisait déjà des fêtes autour du solstice d'hiver, mais les premiers fans de Jésus ont très tôt récupéré la chose pour y plaquer la nativité du Christ. Et, pour contrer les mœurs dissolues des païens, c'est Saint Nicolas qui a été mobilisé. Pourtant, une laïcisation de la Noël s'impose peu à peu, jusqu'à ce qu'en 1822, aux States, le révérend Moore, un pasteur luthérien, crée le Père Noël dans un joli poème où apparaît pour la première fois ce gros barbu emmitouflé dans son manteau et distribuant des cadeaux aux mômes les plus sages. Et de voir débarquer ce bonhomme, rival de Saint Nicolas, l'Église n'a pas du tout apprécié ça. Il a un costume rouge, il vient en traîneau tiré par des rennes parce qu'il veut que tout le monde le regarde. C'est un accro de projo, un bouffon, un mégalo qui se prend pour une star. C'est de la pure arnaque, le mec il se présente, salut, je file des cadeaux, regardez-moi, je suis super gentil. Mais en réalité, il touche un sacré paquet de pognon, il est payé pour faire ça. J'ai pas besoin du Père Noël pour avoir ce que je veux. Ne rentre pas dans le jeu du Père Noël, te laisse pas avoir, ne croque pas la pauvre empoisonnée. Et pourtant, malgré les mises en garde des bigots de tout poil, le Père Noël connaît un succès retentissant dans le monde entier. D'ailleurs, très vite, le Père Noël devient une véritable institution récupérée par les gouvernements. Ainsi, écoute bien ce document sonore venu tout droit de la France moisie de Vichy en novembre 1943. Mes chers petits, à l'occasion de Noël, un grand concours s'ouvre pour vous, celui de la plus belle lettre. Vous allez le faire sans tarder. Vous êtes de nationalité française, n'est-ce pas? Et votre papa, maman, grand frère, sœur, grand-père ou oncle travaillent en Allemagne comme ouvrier, ouvrière ou prisonnier transformé. Alors, vous allez écrire à ce parent une belle lettre de Noël. Et cette lettre, vous l'enverrez au Comité national des Amis des travailleurs français en Allemagne avant le 6 décembre 1943. Ne vous inquiétez pas, dès qu'elle sera vérifiée par les membres du jury, elle sera réexpédiée en temps utile à son destinataire et arrivera en Allemagne pour Noël. Si vous avez la chance d'être primé, il faudra bien entendu justifier de votre âge et de votre degré de parenté aux travailleurs français en Allemagne à qui vous avez écrit. Ah ben ouais, hein. Le Père Noël sous Vichy portait bien haut la préférence nationale. Et d'un coup, ce Père Noël-là, moralisateur et porteur des valeurs d'une société bien pensante pour qui les traditions réac et la sainte famille sont des qualités essentielles. Et bien parfois, je ne sais pas pourquoi, mais nous, on aimerait bien le laisser tomber. Service après-vente de Noël, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est le Papa Noël. Oh, le Père Noël, génial. Ça oui. Va, Père Noël? Dépêchez-vous, j'ai plus de batterie, écoutez-moi. Oui. Je suis coincé dans un conduit de cheminée à Lyon. Oui. Il faut appeler les pompiers. D'accord, oui. Et vous voilà. Êtes où? Qu'est-ce qu'il y a alors? Eh bien, il faut appeler les pompiers. Oui. Parce que j'ai amené des cadeaux au petit Thomas à Lyon. Je suis coincé dans sa cheminée. D'accord. Appelez les pompiers. Dépêchez-vous, j'ai plus de batterie. D'accord, oui. Ben, dépêche-toi, putain. Merci. Oh là là, ça sent le méchoui dans la cheminée d'un coup. Mais rassure-toi, quand le Père Noël se contente d'être un gros bonhomme généreux pour les mômes, nous on l'aime beaucoup. Mais bon, là encore, tends bien l'oreille pour écouter ce que nous rapporte Lina, un document de 1946 qui prouve que le Père Noël n'est pas uniquement destiné aux tout-petits. Mais voici maintenant le Papa Noël des grands qui s'amène. C'est Monsieur le Président Léon Blum, président du gouvernement provisoire de la République française, qui, lui, s'annoncera comme le Papa Noël des adultes. Bonjour, Père Noël. Bonjour, citoyen Père Noël. Alors, j'ai fait un petit discours au Père Noël. Et je lui ai dit qu'il était bien gentil de s'occuper des enfants, mais que j'espérais qu'il voudrait bien s'occuper aussi des grandes personnes. Oui. Les grandes personnes, elles sont toujours un peu en attente du Père Noël. D'ailleurs, il n'est qu'à voir le succès planétaire et transgénérationnel de la chanson « Petit Papa Noël » exaltée par le merveilleux Tino Rossi, dont le fils Laurent, par exemple, était le premier fan. Allô, vous êtes là, monsieur Tino Rossi? Alors dis-lui bonsoir, papa, vite. Bonsoir, papa. Oui, monsieur Tino Rossi, tout de suite. Alors attendez, alors dis-lui bonsoir, papa, je vais te chanter une chanson, vas-y. Le Père Noël. Hélas, mon ami, tu l'as compris, la jeunesse n'est plus ce qu'elle était et le Père Noël est obligé dorénavant de s'adapter aux attentes des nouvelles générations. C'est pourquoi aujourd'hui, il est facile de critiquer le Père Noël, devenu le VRP privilégié de tous les marchands de soupe et surtout des marchands de jouets. Et oui, car tu t'en rends compte, si en ce moment, Noël, c'est une bien belle fête, c'est aussi et surtout une grosse pompe à fric. Le Père Noël privé de téléphone. Le tribunal donne gain de cause à la Fédération des familles de France qui avait porté plainte pour escroquerie. Nathalie Hernandez. Escroquerie, c'est bien de cela dont il s'agit. Jugez plutôt. Une fois le numéro de téléphone composé, le bambin est invité à choisir entre écouter les histoires du Père Noël ou bien gagner des cadeaux. Dès que le Père Noël décroche, il y a 9 francs de taxes et ensuite c'est 2 francs 19 la minute. Petit détail croustillant, il suffisait de se tromper d'un chiffre dans le numéro pour tomber sur le serveur rose de Brigitte. Brigitte Lahaye, et là, c'est une autre histoire. Petite pipe à Noël, c'est le cadeau essentiel, le petit geste familier. que tout homme n'est pas près d'oublier. Petite pipa Noël. Oui, bon, alors là, aucun commentaire et surtout une condamnation sévère et sans réserve pour ce détournement de l'hymne officiel de nos Noëls. Mais ça va pas, non. Il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. Oui, approche, petit. Si tu écoutes tous les samedis matins le ministère psychique, tu auras un gros cadeau au pied du sapin. Hein ? Bon, alors, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de ce monsieur Noël, dont la cible privilégiée demeure la jeunesse innocente, représente une menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Oh, oh, oh. Professeur Colin, nous nous trouvons donc aujourd'hui comme au pied du sapin devant le Père Noël. C'est super. Et j'ai pensé que le mieux pour étudier ce sympathique gros bonhomme joufflu, c'est sans doute de regarder ce qu'en disait la première secrétaire du Père Noël, Françoise Dolto. Eh oui, oui, Françoise Dolto, dont nous fêtons cette année le 20e anniversaire de la disparition et le 100e de sa naissance, a été la secrétaire du Père Noël. C'est authentique. Françoise Dolto était en effet la sœur de Jacques Marette, qui fut dans les années 60 le ministre des Postes et des Télécommunications. Et c'est Jacques Marette qui a créé le très renommé centre de tri postal de Libourne, le seul autorisé à ouvrir le courrier non acheminé, mais surtout à répondre aux lettres envoyées au petit papa Noël. Et c'est dans ce cadre qu'en 1962, Jacques Marette a demandé à sa frangine, déjà une grande psychiatre de l'enfance, de répondre aux gamins qui avaient envoyé leurs lettres au Père Noël. Oui, Dolto, secrétaire du Père Noël. Mais que conseillait-elle aux petits enfants ? On vous écoute, Françoise. Eh ben, elle leur a sans doute pas conseillé de jouer à Tiroli Pimpon sur le Chihuahua. Ah, un coup en l'air, un coup en bas, avec des big bisous. C'est pourtant Françoise Dolto abordait sans tabou les questions de la sexualité des enfants. D'ailleurs, professeur Colin, vous le savez, Françoise Dolto a atterri ici même sur l'antenne de France Inter dans l'émission Culte, Lorsque l'enfant paraît. Et justement, dans Lorsque l'enfant paraît du culte, il y en avait. Car Françoise Dolto répondait aux questions des auditeurs. Et au cœur des années 70, cette baby psy fut confrontée au grand débat idéologique qui divise en ce moment même les cours de récré et qui angoisse tous les parents. Que répondre à un enfant qui demande « Andy, est-ce que le Père Noël, il existe ?» Eh oui, que répondre à ça ? Eh bien, voilà la solution, qui va en sauver plus d'un. Françoise Dolto conseille de demander à l'enfant si, lui, il croit que le Père Noël existe. Et si le môme répond « Oui », c'est donc que le Père Noël existe. C'est QFD. Et dans le même temps, Françoise Dolto, qui demandait de ne jamais mentir aux gamins, se réjouissait de voir la naissance de l'esprit critique chez l'enfant, une valeur qui se perd. Eh bien, là, d'un coup, vous voyez, professeur Colin, on a une approche beaucoup moins autoritaire que le matraquage publicitaire qui impose aux mioches la figure d'un vieillard hyper sympa, mais surtout hyper bon vendeur aux couleurs de Coca-Cola et qui te refourgue des tonnes de trucs et de bidules hors de prix. Parce que moi, professeur Colin, je me souviens de mon temps à Noël, on avait droit à une orange. On était hyper contents avec notre orange. Alors qu'aujourd'hui, on s'extasie quand le marmorange c'est joué. Alors, pour conclure, croire au Père Noël, c'est un peu de la poésie dans notre monde pourri et c'est peut-être la dernière utopie. Mais attention tout de même à ne pas se laisser griser par certains Pères Noël de circonstance, de ceux que l'on voit aux portes des grands magasins ou bien qui se baladent sous les dorures de nos ministères et qui sont aujourd'hui les seuls à décider quels enfants ont été sages ou pas. Et oui, quand le Père Noël est de mèche, ce sont ces garnements de banquiers qui récupèrent les cadeaux dans leurs petits souliers vernis, puisque les grands enfants de la finance, ils n'ont jamais cessé de croire au Père Noël du pouvoir d'achat, Saint-Nicolas. Formidable, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. Démence sénile et nihilisme des principes de non-redistribution gouvernementale. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller l'architecture mentale de notre patient qui sévit tous les ans durant la belle nuit de Noël. Le seul moment d'ailleurs où il fout quelque chose et parfois même il fourgon. C'est la belle nuit de Noël. Dans le fourgon, c'est l'allégresse. Les casques pointés vers le ciel, émus les petits CRS, avant de fermer leur visière, font une dernière prière. Petit passois Noël, quand tu descendras du ciel, avec des matraques dorées, n'oublie pas ton traîneau blindé, car avant de partir, il faudra bien te couvrir. Les gens sont si durs avec toi, oh mon pauvre petit passoir. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si nos pauvres ont chargé. Et puis matraquer tous ces jeunes en grève que nous t'avions commenté. Petit passois Noël, quand tu descendras du ciel avec des matraques dorées, n'oublie pas ton traîneau blindé. Petit passois Noël. Petit passois Noël, une chanson plus bifluorée, mais surtout plus corsée que celle de Tino Rossi. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir décortiqué les déviances comportementales chroniques de notre patient, il est temps à présent, je crois, de jouer ici la carte de la transparence afin de prévenir toutes celles et tous ceux qui attendent le Père Noël dans la nuit de mercredi prochain, qu'il risque d'avoir grave les boules, car sans vouloir pourrir l'ambiance, le ministère psychique se doit de t'annoncer ici ce matin que le Père Noël est en pleine dépression. Oui, nous l'avons recueilli en urgence dans nos services hier après-midi, dans un piteux état, et du coup, le professeur Mauduit et moi-même allons sans doute devoir assumer à la face du monde l'annulation de sa traditionnelle virée nocturne. Alors, que s'est-il passé précisément ? Eh bien, devant le caractère tout aussi hallucinant qu'inédit de cette cruelle situation, en concertation avec toute l'équipe du ministère psychique, nous avons choisi ce matin d'enfreindre le secret médical afin de te dévoiler la dure réalité. Mais avant tout, j'aimerais que les parents éloignent les enfants du poste, car ce qui va suivre est terrible. Oui, les affres de l'âme humaine n'ont point épargné le Père Noël. Vois-tu, éreinté, fourbu, à force de passer l'hiver à se peler les miches au pôle Nord, à la fin de l'été dernier, alors qu'il devait évidemment se remettre au boulot, le Père Noël avait en réalité d'autres projets qu'il voulait partager avec Josepha, sa belle-sœur. Alors écoute-moi bien, pendant que tu pensais à tes petits commerces, moi j'ai mis au point le plus beau coup de ma carrière. Le genre d'affaires que personne n'a jamais osé entreprendre. Je t'en prie, tu vas pas recommencer. Eh ben dis-toi bien que ton midi et ta gargote à côté de cette affaire-là, c'est des rêveries de midinette. Parce que moi, l'avenir, je le vois du côté de Canberra. Bourré de pognon et inconnu, c'est-à-dire honorable. Canberra ? Mais où c'est ? En Australie. C'est loin, ça. Loin de quoi ? Loin des gens qui te saluent plus ? Loin de ceux qui nous regardent passer comme des bêtes curieuses ? Bon. Eh oui. Voici deux informations essentielles à notre dossier du jour. Primo, en septembre dernier, le Père Noël voulait s'enfuir en Australie avec Josepha, la frangine de la Mère Noël, avec qui, deuxième information, il entretient une relation adultérine depuis décembre 1993. Ainsi, Pour le Père Noël, le plan était limpide. Il effectuait une ultime tournée cette année, il s'en foutait plein les fouilles et basta, direction Canberra avec Josepha. Seulement voilà, lundi dernier, quelle ne fut pas la surprise du petit Roger, un môme de 8 ans qui vit au Havre, lorsqu'il rentra chez lui après l'école vers 17h30. Père Noël ! Oui ? Tu m'apportes mon cadeau en avance ? Non. Mais je t'ai jamais dit de quoi j'avais envie. J'ai dit que j'apportais rien, t'es sourd ? D'accord, c'est bon, je veux un éléphant en peluche, un rose. Je vais habiter ici pendant quelques temps. Oh, c'est le bordel intégral là-haut, au pôle Nord. Madame Père Noël m'a surpris en train de sauter sa sœur et je me retrouve à la rue du coup. Ouais, ici ce sera cool. En effet, après 15 ans d'une double vie partagée entre Josepha et sa sœur, le Père Noël s'est fait pécho le week-end dernier, à 10 jours seulement de son ultime tournée. Résultat, sa femme l'a foutu dehors, bien sûr, sans un rond, et forcément, son plan australien s'est aussitôt envolé. Ainsi, cherchant un peu de paix, le Père Noël s'est alors réfugié en France, dans une famille du Havre. C'est ainsi que lundi soir, les parents du petit Roger ont accueilli le Père Noël avec la chaleur du cœur propre aux gens de la région. Eh, hey, Père Noël, vous prendrez bien encore un petit verre. Oh non, non, non, la chaleur me monte déjà à la tête. Venez te donc que le petit René... Roger, Père Noël. Roger a été très courageux pendant sa scarlatine. Pendant sa rougeole. Excusez-moi, tant d'enfants, tant de maladies, je m'y perds. À la bonne vôtre. Et à part ça, tout va comme vous voulez? Oui, merci, ça va, ça va. Et là-haut? Là-haut. Mais oui, au ciel. Ah, là-haut. Ah, merci, tout le monde va bien, je vous remercie. Enfin, des petits ennuis, n'est-ce pas, des rivalités, des racontards, enfin, c'est comme partout, n'est-ce pas. Je continue ma tournée. Merci de votre bonne visite. Vous dérangez pas pour moi. Ça fait 30 ans que je viens ici, je connais le chemin. Oh, mais bien sûr, Père Noël. Alors, par là, c'est la fenêtre. La porte est par ici. Ah. Appuyez-vous sur moi. Oh, vous oubliez la hotte, Père Noël. Oh, c'est la hotte. Qu'est-ce qui te fait rire, Roger? C'est moi, c'est le Père Noël. Il chantait comme toi, son histoire. Tiens, la porte apprend à respecter ton père. Oui, tout comme le père du petit Roger, désespéré, le petit Papa Noël s'est mis à picoler du Picombière. D'ailleurs, hier après-midi, lorsqu'il est arrivé au service des urgences du ministère psychique, il tenait encore une sacrée musette, pépère. Au passage... Sache que c'est le petit Roger lui-même que nous devons remercier, car c'est lui qui a souhaité que nous venions en aide au Père Noël, dépressif, puisqu'au fil de la semaine, Roger le trouvait de plus en plus sombre et surtout très irascible à son égard. Toi et Madame Père Noël, vous avez des enfants ? Non, encore heureux, bordel de Dieu. Mais alors, les elfes ? Eh ben, ils restent avec Madame Père Noël. Je les prendrai le week-end. Allons me faire couler un bain. Mais alors, et les reines ? Tu veux bien arrêter de me bassiner avec tes reines ? Mais comment ils s'appellent ? Qui ça ? Les elfes. Oh merde, je m'en souviens plus. Je crois qu'il y a Tchoum, il y a aussi Ronfleur et non, puis... Non, ça, c'est les sept nains. Tu te fous de moi ? Je croyais que c'était... Bah, j'en sais rien, moi, merde. Je les appelle, Coco, ouais, je les appelle, je dis, hé, Coco ou Chef, on s'en fout. Je leur dis de fabriquer leurs jouets à la con. Putain, mais qu'est-ce qui déconne chez toi ? Je me souviens pas de ces conneries. Merde, faire passer des examens, c'est une manie chez toi. Comment ne pas constater ici l'état de nervosité dans lequel se trouvait le Père Noël il y a encore 48 heures ? Mais comment pourrait-on blâmer ce vieil homme ? Alors qu'il s'apprêtait à profiter d'une retraite en cavale sous les tropiques australiens, voilà qu'en un week-end, il a tout perdu. Bien sûr, nous avons immédiatement pris en charge ce patient hors du commun, d'autant qu'à 5 jours de Noël, nous avions bien conscience de l'urgence de la situation. Très vite, nous lui avons donc prescrit quelques antidépresseurs et nous l'avons soumis ce matin, très tôt, à une séance de thérapie collective. Certains de nos pensionnaires l'ont aussitôt reconnu et se sont précipités sur lui, notamment un autre de nos illustres patients dépressifs. Et franchement, tout cela ressemblait un peu à l'étrange Noël de Mr. Jack. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, Ouais, je suis le Père Noël. Dépêche, qu'est-ce que tu veux ? Tout dépend de la définition qu'on donne à ces termes. Ah, il n'y a vraiment pas de quoi en faire tout à plat, c'est un boulot alimentaire. Il faut prendre maintenant des initiatives, elles sont urgentes. Fais un vœu dans une main, chie dans l'autre et voilà qu'elle se remplit la première. On peut basculer d'un côté ou de l'autre parce qu'on est en permanence au bord du gouffre. Je suis un Père Noël qui mange, qui boit, qui chie et qui baise. Nous aurons à discuter de tout cela au G8. Oh, mais fais gaffe à mon ongle incarné, merde! Et donc nous sommes dans une situation dangereuse. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas régler un problème totalement en dehors de son contexte. Putain, c'est quoi ça? Parlons français. Bon Dieu de merde, on n'est pas dans l'administration ici, aigru, toi. Je ne suis pas, je vous le dis, à l'heure du bilan. Je suis à l'heure de l'action. À la bonne heure. Viens dire tout ça au Père Noël. Ne croyez pas tout ce que tel ou tel de vos collègues peuvent décrire ou dire. Ma couche, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un mouchoir? Allez, tire-toi de mes genoux, t'es vautré sur moi, là, comme un débile. Marcus, viens-moi ce gosse d'ici, il me fout les boules. Son geste n'est pas acceptable, ça, c'est évident. Marcus, viens-moi ce môme avant qu'il me pisse dessus, tu veux? J'essaye de me retenir. Oui. Sans déconner. Suivant. Alors évidemment, tu t'aperçois très vite dans quelle mouise nous sommes ici. Car comment rétablir cette psyché en vrac du Père Noël dans les 3 jours qui viennent? Franchement, c'est pas gagné. Et du coup, si tu n'as pas de cadeau jeudi matin dans tes pompes, tu ne viendras pas chialer. Hein. D'autant que nous ignorons si la mère Noël acceptera qu'il rentre à la maison, Pépère. D'ailleurs, au passage, quelle est la culture familiale dans cette baraque du pôle Nord? Eh bien, afin de compléter au mieux le dossier de notre patient ventripotent, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quelle est l'ambiance dans la maison du Père Noël. Et figure-toi que nous allons un peu mieux saisir les raisons de son désarroi, car devant ce monde égoïste qu'est le nôtre, l'authentique vocation du Père Noël est sans cesse malmenée. Professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble ses propres conclusions sur les aspérités enfouies chez notre patient. L'interne, pointez-vous au labo! Allez, hop! Démonstration! Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Rovaniemi, Laponie, Finlande. Température extérieure en hiver, moins 40 degrés. Densité de la population, 2 habitants par kilomètre carré. Autant dire que les soirées d'hiver sont longues et qu'il faut trouver une sérieuse occupation pour passer le temps. Comme en témoigne la mère Noël. Chez nous, partout, il y a encore de la glace. Cela me faisait tant de chagrin de voir l'hiver nos hirondelles quitter notre pays pour se réfugier dans ces contrées. Je sais pourquoi. Nous avons un grand idéal, mais il possède le climat. Oui, la famille Noël possède un grand idéal. Ceci dit, pendant que chacun déballe ses cadeaux en ne pensant qu'à sa gueule le soir du 24, personne ne se demande le pourquoi de cet élan de générosité. Et pourtant, les motivations sont claires. Des joujoux par milliers, un manteau rouge, un grand idéal. C'est évident, le Père Noël est communiste et n'en déplaise à ses elfes. Si monsieur veut mon avis, depuis que monsieur fréquente cette bolchevique, j'ai remarqué qu'il avait très nettement changé. Ah tiens. Puis-je dire aussi quel fut mon étonnement quand j'ai trouvé le livre de Karl Marx, Le Capital, à côté du lit de monsieur. Ne serait-il pas temps maintenant de vous rendre compte de l'injustice de votre position? Êtes-vous né pour servir? Vous souhaitez être traité sur le même pied que moi? Non, monsieur. Juste ciel, voyons, n'y a-t-il aucune révolte en vous? Non, monsieur. Alors, je ne croirai jamais que vous ne souhaitez pas voir arriver le jour où vous entrerez ici et déclarerez ce qu'on partageait, ce qui est à toi est à nous. Oui, le Père Noël a bien des convictions et il s'y tient. L'histoire du traîneau dans les airs, les rennes volants, tout ça, ok. Mais bon, qu'une armada de lutins bosse gratos 364 jours dans l'année, faut pas pousser non plus. Et pour la confection des cadeaux, bah le Père Noël, il fait comme tout le monde. Laisse-moi m'occuper de tout, je vais en parler à Régine. Elle a des relations, tu sais, elle connaît tout le monde dans le parti. Elle va trouver une bonne place à l'usine. Quelle usine? Pour quelle place? Je sais pas, moi, une usine de vêtements, de voitures, de chaussures. Pourquoi pas? L'usine, c'est tout de même pas la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est bien le lancement de sa carrière d'homme bon et généreux. Car c'est grâce à cette expérience professionnelle qu'il a pu s'éjecter à l'eau. Enfin, mener à bien son projet de cadeau pour tous, quoi. Je suis le Père Noël de la CGT. Bonjour madame, c'est le Père Noël à l'appareil. Oui. Nous appelons toutes les crèches et les haltes garderies de la région aujourd'hui. Oui. Pour faire la grande opération Papa Noël téléphone. Allô, Père Noël? Bonjour, quel âge as-tu ma chérie? 5 ans. 5 ans. Eh ben, c'est bien ton âge de lire les œuvres complètes de Karl Marx, mais avant, je dois te chanter une petite chanson. Tu es prête? Tu vas chanter avec moi? 1, 2, 3. C'est la lutte finale. Et avec un tel engagement, c'est sûr, le Père Noël ne risque pas d'être repris par une marque capitaliste, bien sûr. De toute façon, l'expertise de scientifiques internationaux a confirmé à la coopérative que le goût d'origine du Coca-Cola a été élaboré dans les années 50 dans les laboratoires de notre République démocratique. À vous, les studios. Coca-Cola est une boisson socialiste. Selon nos... Mais tu comprends pas, maman. L'Ouest nous entube depuis des années. Thank you, Mr. Taylor. Bien. Le professeur Mauduit et moi-même remercions sincèrement l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette authentique enquête sur le caractère éminemment communiste de la mission première du Père Noël. Alors évidemment, souhaitons que cet esprit ne disparaisse pas totalement, car sinon, imagine à quoi pourrait bien ressembler la tronche d'un Père Noël entièrement robotisé. Vous avez un problème, vous vous creusez la tête comme toujours pour trouver des idées de cadeaux. Eh bien, la machine, elle, s'appelle Cadeautron, et elle va choisir pour vous. Bon, c'est très facile. Un budget de 25 francs, alors c'est pour un garçon ou pour une fille? Pour un garçon. C'est pour un garçon qui a quel âge? Entre 0 et 1 an. Voilà, alors toutes vos trois croix sont bien installées, et maintenant nous allons proposer ce problème à Cadeautron. Eh bien, voilà la réponse. Un ours en pluche, de 70 cm pour 25 francs. Et l'important, voyez-vous, madame, c'est de considérer que vous restez dans le budget que vous avez choisi. Jamais Cadeautron n'a dépassé le budget fixé par vous-même. Ce qui est extrêmement honnête de sa part, voyez-vous, il ne vous force pas à l'achat, mais il vous conseille utilement. Alors, après avoir pris connaissance de cette terrible dépression qui frappe cette année le Père Noël, essayons maintenant, dans les minutes qui viennent, de sonder les influences contemporaines des pathologies psychotiques de notre redoutable patient fantastique. Et, comme d'habitude, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. En effet, une fois de plus, nous avons soumis son dossier à une analyse critique fondée sur les travaux cliniques du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Et le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté d'expertiser les échos des troubles psychiques du Père Noël au cœur de notre histoire récente. Alors, professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons si, oui ou non, les névroses de notre gros barbu dans notre monde se perpétuent. L'expert jungien ! Pointez-vous au labo! Analyse! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Lorsqu'on s'en tient à cette hypothèse que le rêve est ce qu'il est et qu'il se contient tout entier lui-même... Dans son manteau rouge et blanc... D'un mot, Alain Krivine, vous qui avez été candidat à la présidentielle en 69... Vous assistez au défilé final où chaque candidat vient déballer le contenu de sa hotte de Père Noël. Jung dit que les associations peuvent conduire très vite à un complexe. Sur le thème bien connu, si j'étais élu. Et qu'on abandonne à ce moment-là le rêve. Comment ils mettront fin à ce qui pour nous est décisif, l'exploitation de l'homme par l'homme. Les 2700 salariés du géant de l'acier à Florange se préparent à vivre des mois difficiles. Il s'agissait d'un homme immense. L'un des deux hauts fourneaux sera arrêté pendant un peu plus d'un mois, de début décembre jusqu'au 6 janvier. Infiniment vieux, Jung dit vieux comme Hérode. La crise et son cortège de mauvaises nouvelles. ArcelorMittal, leader mondial de l'acier, va supprimer 9000 emplois, dont 1400 en France. Combien d'autres sont ignorés ? Et le demeureront. Car dans cette entreprise qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent, je ne sais pas comment on peut dire aux gens qu'ils ne sont plus utiles. Cachant par là même les multitudes de cadeaux par lesquels l'État arrose les riches. Simplement, on s'aperçoit là qu'on n'est que des numéros et qu'on ne sert qu'à gagner de l'argent, c'est tout. Évidemment, un rêve comme ça, ça fait un peu frémir. Dehors, tu vas avoir si froid. Je vais lancer une réflexion pour voir si on ne peut pas rendre obligatoire l'hébergement des personnes sans abri quand la température devient trop froide en France. Avec des fantômes qui bougent les draps. Tout le monde alors a compris que la règle désormais allait être la contrainte. A priori, on trouve ça plutôt inquiétant, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On ne peut pas obliger quelqu'un d'aller dans un centre d'hébergement où il se fait agresser, où il se fait maltraiter. Quelle serait la bonne solution alors selon vous ? C'est réquisitionner des logements vides. Il y en a énormément à Paris, surtout les bureaux qui servent à rien, et en faire des logements. Mettons fin à ce cauchemar avant qu'il ne soit trop tard. Mettons fin à ce cauchemar avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, figure-toi que c'était la phrase que répétait en boucle le Père Noël hier après-midi lorsqu'il est arrivé en piteux état au ministère psychique. Évidemment, nous nous sommes beaucoup interrogés avec le professeur Mauduit quant au sens réel de cette logorrhée. Et, lors de notre traditionnel entretien d'accueil avec les pensionnaires qui débarquent ici, nous avons cherché avec toute l'équipe médicale ce que pouvait bien signifier ce « mettons fin à ce cauchemar avant qu'il ne soit trop tard ». Eh bien, dans son délire maniaco-dépressif, voire agressif, le Père Noël nous a apporté un premier élément de réponse au moment même où il s'est mis à nous parler de nos cadeaux. Vos cadeaux, vous voulez savoir ce qu'ils deviennent ? Ils se retrouvent chez moi, dans vos poubelles. Vous entendez ce que je dis ? Dans vos poubelles ! J'aurais eu largement de quoi me pendre 10 fois avec le stock de cravates horribles que j'ai récupéré. Et la convoitise. L'inépuisable convoitise. Je veux des clubs de golf, je veux des diamants, je veux un poney que je monterai 2 fois et dont je me lasserai que j'endrai pour en faire de la colle. Je ne voudrais surtout pas casser l'ambiance, mais toutes vos histoires pour Noël, c'est stupide, stupide, stupide. Oui. Tu constates à quel point notre patient était très agité hier après-midi, mais, selon lui, c'est donc la convoitise qui, chaque année un peu plus, pourrit le merveilleux esprit de Noël. Il redoute la surenchère des cadeaux jusqu'à l'explosion. Il pense qu'il faudrait arrêter cette entreprise infernale. D'autant que le Père Noël nous a confié, quelques minutes plus tard, que devant l'ampleur sans cesse croissante des désirs, il a dû lui aussi délocaliser ses usines de production de jouets et franchement, il n'en est pas très fier. Il est même rongé par la culpabilité, ce qui n'arrange pas sa dépression. Petit enfant de la Chine, tu fabriques mes jouets dans ton usine. Avec tes tout petits doigts, tu t'amuses bien, c'est un peu grâce à moi. Ton patron, il doit être trop cool. T'oblige pas d'aller à l'école. Et si il te file pas beaucoup d'argent, c'est pour que tu restes longtemps un enfant innocent. Mais quand même j'aurais voulu te dire un truc. Depuis que mes jouets sont faits chez toi, ben moi je trouve quand même qu'ils sont un peu moins solides. Ce serait gentil de ta part que tu t'appliques. Parce que sinon je peux te parler de mes baskets, que ça fait seulement 3 semaines que je les ai. Et y'a déjà la semelle qui se décolle. On voit bien que c'est pas toi qui vas les porter. Petit papa chinois. Alors bien entendu, la médiocrité de certains jouets produits en Chine ne sont pas dignes de la réputation du Père Noël. Et lorsqu'il répète sans cesse depuis hier « Mettons fin à ce cauchemar avant qu'il ne soit trop tard », il a bien conscience que Noël est une période où la fracture sociale s'exacerbe et que ce sont les enfants les moins fortunés qui paient la facture. Ce qui provoque parfois de la violence devant tant d'injustices qu'on lui colle bien souvent sur le dos d'ailleurs. Mais c'est normal, Oula, c'est logique, franchement. C'est logique parce que on n'arrête pas de leur faire des promesses qui sont jamais tenues aussi. Moi, je me rappelle, ça a commencé avec le petit Papa Noël quand j'étais petit. On lui a écrit 1 milliard de fois, il nous a jamais répondu. Jamais. C'est normal, quand on l'a croisé à Carrefour, on l'a défoncé. Bien sûr. C'est logique. Merci. Viens ici, petit papa. Viens ici, dis-nous, viens ici. Et sont nos pauvres grands germes. Hein? Où sont nos pauvres grands germes? J'en ai rien à foutre, moi je suis jusqu'au pôle Nord, moi. Quoi? J'en ai rien à foutre, tu t'appelles Michel, moi, ta gueule. Pauvre Père Noël, on comprend mieux qu'il soit au bout du rouleau. Lui, le parangon de la générosité, impuissant qu'il est devant l'ampleur des problèmes économiques et sociaux. Et puis, ce n'est pas tout. La dépression du Père Noël tient aussi au fait qu'il nous a balancé hier soir dans le bureau du professeur Mauduit qu'il était également victime d'un grand détournement. D'ailleurs, redevenu un peu plus calme vers 23h, il nous a demandé de mettre en garde tous les petits-enfants qui l'attendent dans la nuit de mercredi prochain, car il pourrait bien avoir quelques petits plaisantins pour profiter de son absence. Oh, le Père Noël! Vous, vous savez, les jeunes sont beaucoup plus raisonnables qu'on l'imagine. Français, ils n'attendent pas que je distribue les cadeaux de Père Noël alors qu'ils savent parfaitement bien qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Je pense qu'il y a deux exigences pour les Français. Est-ce qu'il prend en compte notre problème, première chose. Et deuxième chose, est-ce qu'il s'y attaque vraiment? Après les résultats, on verra, mais est-ce qu'il s'y attaque vraiment? Voilà l'objectif qui est le mien. Oui, c'est moi, mes enfants. Mais comme vous le dites si bien, vous n'aurez que dalle pour Noël. Eh oui, une fois de plus, seuls les nantis seront vernis. Pour les autres, eh ben, c'est que dalle pour Noël. Et pourtant, que dire de tous ces milliards qu'on sort du placard alors qu'on nous disait les caisses vides? Ouais, étrange Père Noël, n'est-ce pas? Enfin bon, sache tout de même que l'authentique Père Noël demeure heureusement très populaire puisque dès son arrivée hier en Aumur, nombre de patients lui ont écrit une lettre, un grand classique. Du coup, l'un de nos pensionnaires à vie, trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif et que nous ne sommes pas prêts de relâcher tant il est psychopathe, t'offre cette semaine sa petite liste de cadeaux. Ainsi, découvrons ensemble ses vœux exprimés au Père Noël. Comme d'habitude, c'est complètement louvre-dingue, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole! Ouais, Père Noël, je t'aime bien. Avec ton bonnet à pompons, t'as l'air d'un bouffon, mais t'es cool comme daron. Tu files plein de cadeaux, ça tombe bien. J'en ai plein à faire ici, à l'hosto. D'abord, il me faut des seringues pour piquer le cul des dingues. Il me faut aussi de l'aspirine pour enfiler à l'expert jungien plein les narines. Et pour tous les internes qu'on a ici à la pelle, j'ai besoin de plein de scalpels. Ouais, pour le professeur Mauduit, il me faut un bistouri et une minerve qui l'énerve. Quant au professeur Colin, ah, j'ai besoin de plein de trucs, plein. D'abord des ciseaux pour la peau et du mercurochrome pour ses hématomes. Ouais, des pansements pour ses flancs et un cathéter pour le sphincter et des compresses pour ses fesses. Voilà mon petit daron de Noël, bouge-toi la houppelande, mon roi de la glande. Fais trimer tes elfes qui ne traînent pas au self. Et pendant que tu y es dans ta hotte, ouais, bah une plainte capote. Ouais, c'est Noël, j'ai les boules. Délicieuse Santa Gold qui nous vient tout droit du pays où l'or est sacré, tout autant que Santa Claus. Mais il est complètement fou ce mec. Mais moi les dingues je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques. Le ministère psychique a eu maille à partir avec la personnalité complexe du débonnaire bonhomme bedonnant qui fait la joie des petits et des grands et surtout qui n'éveille jamais la méfiance et c'est bien là sa principale menace. Eh oui, parce que le Père Noël nous paraît toujours sympathique et toujours à l'écoute de nos petites demandes. Alors que celle qui fait tout le boulot, sans même chercher à amasser des milliards de patates, à l'inverse du père Madoff, là, eh bien, c'est la mère Noël, dis donc. Est-ce que tu as vu tous les cadeaux qu'il y a ? Circulant parmi les variétés. Le père Noël est passé sans aucun doute. Dans les variétés jaunes rondes. La pomme de terre jaune ronde hâtive, dite de 3 mois, ou moissonnette jaune. Est-ce que tu vois le père Noël ? La pomme de terre belle écossaise se dit aussi cigarette. En anglais, cursed cigarette potato. Ça y est, je l'ai vu. Pomme de terre fin de siècle, en anglais, up-to-date potato. Joyeux Noël, Merry Christmas. La pomme de terre Canada, qui a été importée du Canada. Bonjour, Père Noël. La pomme de terre Imperator, en allemand, Richter Imperator Kartoffel. Et pomme de terre géante sans pareil. Super. Ah ben ouais, hein, avec la crise... Bientôt, ce seront des patates que recevront les mômes. Même pas des oranges, non, non. Des patates. Alors, au final, pour des raisons professionnelles, le ministère psychique fait preuve de grande mansuétude pour le Père Noël, car en cette fin décembre, on ne peut décemment pas lui retirer son permis traîneau. Allez hop, dehors le barbu, et cheminez gaiement jusqu'à Noël. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère, mais... Qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Voilà, c'est la fin de la 16e consultation déjantée du ministère psychique consacrée ce matin à un indécrottable traîneur en traîneau, le Père Noël. Xavier Mauduit, notre co-auteur et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique. Le maestro Marco Mutel aux manottes, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Claudine Lapersonne, merci beaucoup, c'était parfait. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaugelet et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Julien Dugast, notre voix off, et Marie Berthoumieux, notre stagiaire, sans oublier bien sûr les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques minutes pour une balado-diffusion. Sachez enfin que la semaine prochaine, pour Noël, le ministère psychique révise ses dossiers puisque nous rediffuserons celui du Dany le Rouge radiophonique, Daniel Mermet, bien sûr. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace, nouvelle version. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?